À 8 h du matin, ils étaient prêts à partir. En 36 heures, on pouvait atteindre les rivages de l'Atlantique. Le lendemain, 20 kilomètres avant d'être atteint, le voisinage de l'océan se fit sentir. Mais l'obscurité était grande déjà. Les regards se promenèrent en vain sur l'immensité sombre. Ils cherchèrent le Duncan sans l'apercevoir. À l'aube naissante, tout le monde fit mettre sur pied à ce cri. « Le Duncan ! Le Duncan !»« Hourra ! Hourra !» répondirent à Glenarvan, ses compagnons, se précipitant sur le rivage. En effet, à 5 000 au large, le yacht se maintenait sous petite vapeur. Thalcave, après avoir fortement bourré sa carabine, la déchargea dans la direction du yacht. On écouta. On regarda surtout. 3 fois, la carabine de l'indien retentit, réveillant les échos des dunes. Enfin, une fumée blanche apparut au flanc du yacht. « Ils nous ont vus !» s'écria Glenarvan. « C'est le canon du Duncan !» Bientôt, la lunette aidant, on vit une embarcation se détacher du bord. Alors, Glenarvan rejoignit Thalcave. Il prit sa main et lui montra le yacht. Il tira de son portefeuille un médaillon précieux qui entourait un admirable portrait, un chef-d'œuvre de Lawrence, et il l'offrit à l'Indien. « Ma femme !» dit-il. Thalcave considéra le portrait d'un œil attendri et prononça ces simples mots « bonne et belle ». Puis Robert, Paganel, le major, Tom Austin, les 2 matelots, vinrent, avec de touchantes paroles, faire leurs adieux au Patagon. Les derniers embrassements furent prodigués à l'Indien. On poussa au large. Le canot s'éloigna, emporté par la mer descendante. Longtemps, la silhouette immobile de Thalcave apparut à travers l'écume des vagues. Puis, il disparut aux yeux de ses amis d'un jour. 1 heure après, Robert s'est lancé le premier à bord du Duncan et se jetait au cou de Mary Grant, pendant que l'équipage du yacht remplissait l'air de ses joyeux hurrahs. Ainsi s'était accomplie cette traversée de l'Amérique du Sud, suivant une ligne rigoureusement droite.